l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, diffusé en décembre 2020. Aujourd'hui, quatrième épisode, scène de ménage. Après attente, je t'aime et jalousie, aujourd'hui, quatrième figure tirée des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, la scène de ménage, qui même quand on croit se fier à nos instincts les plus inavouables, n'est jamais que l'éternelle répétition d'une partition écrite sans nous, il y a bien longtemps, et que nous rejouons à notre façon chaque fois que le ton monte. Alors tournons la page et lisons, page 243, le chapitre ou la figure intitulée par Roland Barthes « Faire une scène ». La figure vise toute scène, au sens ménager du terme, comme échange de contestation réciproque. Un peu frais ? Non, encore deux secondes. Mais ne le cuis pas trop, tu le fais trop cuire, c'est infect. Ça va à l'encontre du but proposé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de pas trop le faire cuire, tu le fais trop cuire, apporte-le-moi. Tu veux ton steak ? Apporte-le-moi. Apporte-le-moi. Il va être dur comme de la semelle, apporte-moi ça, je te lis. Tu le veux, ton steak? Oui, et tout de suite. Bon, viens le voilà, ton espèce de steak. Tu peux pas attendre qu'il soit prêt, non? Non, tu vois, c'est pas possible, ça. Là, tu l'as, ça te plaît, ça te plaît. C'est tout ce qu'il faut, là, c'est tout ce voilà, qu'il faut. Tu l'as, ton steak, là, vraiment. Pour un steak, hein? Oh, bravo. Faut que tu m'emmerdes pour un steak. Ouais. Vas-y, rouspète encore. Vas-y, parce que c'est ce que je fais d'après toi. Tu veux entendre, ça? Tu veux t'entendre, ça? Parfaitement, c'est une carotte. Tu les as mangées. Oh, tu les as tapées. Tapées, ça, de la boue. Mais j'en ai marre de toi, j'en ai marre. Mais c'est à moi. J'avais pas le choix. Comment t'avais pas le choix? J'avais pas le choix. Hey, Jay. Fais ton fil. File à côté. Non. File à côté. Hey, Jay. Tu ne peux pas entendre ces conneries. Non, j'en ai marre. Lorsque deux sujets se disputent selon un échange réglé de répliques et en vue d'avoir le dernier mot, ces deux sujets sont déjà mariés. La scène est pour eux l'exercice d'un droit, la pratique d'un langage dont ils sont copropriétaires. « Chacun son tour », dit la scène, ce qui veut dire « jamais toi sans moi » et réciproquement. Tel est le sens de ce qu'on appelle euphémiquement le dialogue, ne pas s'écouter l'un l'autre, mais s'asservir en commun à un principe égalitaire de répartition des biens de parole. Les partenaires savent que l'affrontement auquel ils se livrent et qui ne les séparera pas est aussi inconséquent qu'une jouissance perverse. La scène serait une manière de se donner du plaisir sans le risque de faire des enfants. Avec la première scène, le langage commence sa longue carrière de choses agitées et inutiles. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Adèle Vanrette. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous pour parler de Roland Barthes. Roland Barthes que vous avez bien connu, je crois. Oui, je l'ai connu au séminaire et c'est là qu'une amitié complice s'est liée. Une amitié? Oui. Avec votre professeur, donc, c'est ça? Absolument. Mais c'était un professeur... très singulier, puisqu'il était d'abord un homme d'écriture et que nous venions vers lui pour l'écriture parce qu'il était l'écrivain. Et sa parole était toujours liée au projet d'un livre. Donc c'était quelque chose d'unique et de passionnant et de très passionné de part et d'autre. Et est-ce que lorsque vous lisez ces textes aujourd'hui, et notamment Fragments d'un discours amoureux, et encore plus précisément cette figure sur la scène dont on va parler ce matin, est-ce que vous arrivez à le dissocier de l'homme que vous connaissiez ? quand je lis ce livre, ça m'est une expérience très, très complexe, une sorte de feuilletage de différentes approches. Par ma personnalité même, je ne peux pas me projeter spontanément dans les figures, parce que la plupart me sont assez étrangères. Comment ça ? C'est-à-dire cette musique romantique, amoureuse, sentimentale, n'est pas une musique avec laquelle j'ai grandi et avec laquelle je me suis formée. Mmh. Et j'entends en même temps en quoi ce livre est une réponse et une sorte de défi par rapport au contexte de l'époque, c'est-à-dire un ton, une atmosphère, un engouement qui était non du côté du sentiment, mais du côté du libertinage et de Sade. Donc moi, j'entends ce livre avec en même temps le contrepoint de Sade et de l'esprit d'aventure et de non-souffrance qui était à l'œuvre et avec lequel j'étais en totale affinité. Donc vous voyez, j'entends plusieurs musiques en même temps et aussi ce qui rend ma lecture beaucoup plus comme une sorte de théâtre de la mémoire, c'est que pour beaucoup d'initiales ou de noms qui apparaissent dans le texte, j'ai un visage, j'ai leur voix, j'ai leurs gestes, voilà. Donc c'est un livre extraordinaire pour moi, c'est une sorte d'opéra plutôt, parce qu'il y a à la fois les voix, les corps, que je continue de voir comment ils bougeaient, comment on s'installait au séminaire, les rituels, les... voilà. Ce que vous dites, c'est que ce texte occupe une place à part dans la bibliographie de Roland Barthes, puisque si ce n'est pas la sentimentalité qui vous a fait vous aller vers Barthes en premier lieu, j'imagine que c'est plutôt son rapport à la langue, à l'écriture, ses analyses sur le langage. Vous êtes vous-même écrivaine, Chantal Thomas, vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'intitule « Pour Barthes », qui était paru en 2015. C'est d'abord ce travail sur la langue qui vous a plu avant ces réflexions autour de l'amour. Ah oui, ce qui m'a plu, c'est une netteté, c'était lié à mon amour du XVIIIe siècle et au fait que je voulais écrire une thèse sur Sade. Ce que j'ai aimé d'abord et toujours, c'est une certaine ligne d'écriture et un rapport singulier au langage. Et je suis allée vers lui après le plaisir du texte. Donc, à un moment où Roland Barthes se défaisait, avait commencé de se défaire de l'emprise des systèmes, même si c'est quelque chose qu'il a continué d'aimer jusqu'au bout, il se glisse dans une sorte de quadrillage ou le carré du système et il trace de livre en livre, d'ailleurs, sa voie, ou dans les deux sens du terme d'ailleurs, vers la singularité, vers le sujet unique et très très exceptionnel qu'il était. Mmh. Et dès la première rencontre, c'est quelque chose que j'ai senti. Il était à la fois un être d'intelligence, d'universalité et l'être le plus obscur et mystérieux et opaque, comme disait Éric Marty, qui soit. Et de quelle manière l'enseignement de Roland Barthes et votre amitié avec lui a-t-elle influencé sur votre travail, sur votre écriture ? Qu'est-ce que vous lui devez ? Je lui dois d'abord d'avoir commencé d'écrire, parce que j'ai commencé d'écrire avec ce texte sur Sade. Et j'étais, moi, je pensais que vivre comme ça, sans rien faire, c'est merveilleux. Juste se laisser aller, voyager, rencontrer. Je trouvais que d'une certaine façon, ça suffisait. C'était assez charmant pour occuper jour et nuit. Et la rencontre avec Barthes m'a fait sentir que non, il y avait une destination peut-être plus forte ou plus prenante dans le rapport à l'écriture. Et ce rapport à l'écriture dominait tout, je dois dire. Et d'ailleurs, il domine aussi l'histoire d'amour ou la... disons les fragments de discours amoureux qui sont ici réunis. Mmh. D'ailleurs, c'est les fragments d'un discours amoureux, c'est bien de langage qu'il s'agit. Absolument, absolument. Et c'est cette, quelque part, il écrit, Roland Barthes écrit, j'ai cette chose, je vois le langage. Mais il le voit et il l'entendait, avec une hypersensibilité. Cette hypersensibilité de l'amoureux, elle était celle qu'il avait par rapport au langage. Il était blessé à la moindre nuance d'agressivité, ou la scène n'avait pas allé jusqu'au hurlement qu'on a entendu en entrée, mais pour lui, elle résonnait avec cette intensité. Et d'ailleurs, le séminaire s'était construit contre un mode d'enseignement un peu plus large, où il avait été pris à partie dans un discours extrêmement stéréotypé d'époque, mise en question, spontanéité, et ce petit jardin suspendu qui était les groupes du séminaire était une sorte d'abri contre la liberté de parole qui permettait d'agresser et de jeter à la figure de quelqu'un tout ce qui vous passait par la tête. Vous voulez dire que lorsque Barthes décrit les scènes, et on va entendre ce matin des textes absolument extraordinaires sur les larmes, sur les engueulades, sur la rupture qui paraît inéluctable, bah là, pour le coup, il parle de lui, de son expérience, de ses craintes. Oui. Ah oui, sans doute pas de la scène ménagère qu'il devait éluder autant que possible, ou ne tenter que sur des modes très feutrés ou très indirects, mais de la scène comme combat, de l'utilisation de la parole comme arme, oui. Et surtout, je pense que la scène, cette figure, dit très profondément la non-appartenance de Barthes à la parole, même s'il était étonnamment doué. Il mm-hmm. était un parleur très séducteur, et on va l'entendre, oui. et très séduisant. Mais lui avait une antipathie pour la parole, dans la mesure où il a écrit « elle était irréversible ». Et il fait cette remarque inhabituelle sur la parole, ce que est contraire à tout ce qu'on dit là-dessus, c'est que la parole, une fois qu'elle est dite, elle ne se rattrape pas, à moins de se corriger et donc de s'augmenter. Et c'est le principe même de la scène. La scène ne peut aller qu'en s'aggravant. C'est son horreur d'ailleurs. Il n'y a rien de pire, je trouve, qu'une scène ménagère. Celle-ci, dit-il, ne progresse jamais. Pourtant, elle va peut-être vers le pire, mais le problème de la scène, c'est qu'elle ne produit aucun éclaircissement ni transformation. Elle ne sert à rien, au fond, c'est ça qu'on se dit. Oui, c'est atroce, parce qu'on est... Mathieu Messager parlait de la jalousie hier oui. Comme piège immobile. La scène, elle est l'exemple même de ce piège immobile. On ne progresse pas que vers un désir de violence. Et aussi, on a un sentiment, je trouve, de creuser son malheur. Tout ce qu'on ajoute, loin de nous libérer, nous enchaîne encore plus dans le processus, le piège qu'on a mis en marche ou que l'autre a mis en marche et qu'on ne peut plus stopper. Oui, parce que c'est un piège. Alors on va entendre la voix de Roland Barthes, c'était en 1977, sa voix qui explique pourquoi il écrit, et sans doute écrit-il, eh bien pour être aimé. Ce sont ces mots. Et puis ensuite, un autre extrait donc de la figure scène dans les fragments d'un discours amoureux dans lequel il se demande si la scène serait sans conséquence ou si au contraire cette conséquence serait si redoutable qu'il faudrait tout faire pour la déjouer. Écoutez. Je crois profondément à une espèce de hiatus absolument vertigineux et démoniaque presque entre le sujet qui aime, le sujet qui pense, le sujet qui parle, d'une part, et d'autre part, le sujet qui écrit. Je crois qu'il y a un hiatus terrible entre l'écriture et la personne, en tant qu'elle veut se faire aimer, en tant qu'elle aime. Et je ressens toujours, d'une façon poignante, le fait que souvent j'écris pour être aimé, au fond, pour être aimé, peut-être même parfois de tel ou tel. Et en même temps, je sais très bien que cela ne se produit jamais, qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture, voyez-vous. aucune scène n'a un sens. Aucune ne progresse vers un éclaircissement ou une transformation. La scène n'est ni pratique ni dialectique, elle est luxueuse, oisive, aussi inconséquente qu'un orgasme pervers. Elle ne marque pas, elle ne salit pas. Par l'insignifiance de son tumulte, la scène rappelle un vomissement à la romaine. Je me chatouille l'aluette, je m'excite à la contestation, je vomis un flot d'arguments blessants et puis, tranquillement, je me remets à manger. Insignifiante, la scène lutte cependant avec l'insignifiance. Tout partenaire d'une scène rêve d'avoir le dernier mot. Parler en dernier, conclure, c'est donner un destin à tout ce qui s'est dit. C'est maîtriser, posséder, dispenser, asséner le sens. Dans l'espace de la parole, celui qui vient en dernier occupe une place souveraine, tenue, selon un privilège réglé par les professeurs, les présidents, les juges, les confesseurs. Tout combat de langage vise à la possession de cette place. Par le dernier mot, je vais désorganiser, liquider l'adversaire, lui infliger une blessure narcissique mortelle. Je vais l'acculer au silence, le châtrer de toute parole. La scène se déroule en vue de ce triomphe. Il ne s'agit nullement que chaque réplique concourt à la victoire d'une vérité et construise peu à peu cette vérité, mais seulement que la dernière réplique soit la bonne. C'est le dernier coup de dé qui compte. Non ! Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oh, oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiéfé. Peste de la carole. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Mais morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Passe, laissons là ce chapitre. Et voilà, et de l'art d'avoir le dernier mot, Molière en sait quelque chose. Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie, on parle des fragments d'un discours amoureux cette semaine. Et aujourd'hui du fragment de la figure scène, ou scène de ménage, en compagnie de l'écrivaine Chantal Thomas, qui est avec nous depuis chez elle. On a beaucoup de choses à commenter après tout ce qu'on a entendu, Chantal Thomas. On peut commencer par la fin, la grande fatigue que d'avoir une femme, dit Sganarel. C'est vrai que le lieu commun autour de la scène de ménage, et peut-être Barthes contribue-t-il à le perpétuer, c'est que bah, c'est la femme quand même qui l'initie. La femme de ménage, non ? La scène de ménage. Oui, quel lapsus. Oui, dans la littérature, on a mis l'exemple de c'est la femme qui l'initie parce que, comme le dit Barthes, la scène commence toujours par un décalage ou un manque d'équilibre entre les deux partenaires. Et traditionnellement, la femme est en demande. Elle est celle qui reste au foyer et l'homme peut aller et venir dans le vaste monde. Donc, elle réclame. Et la scène classique, c'est l'homme qui rentre tard et la femme qui lui demande pourquoi, etc. Et c'est le début d'une scène de jalousie. Mais dans les fragments d'un discours amoureux, c'est l'amoureux, c'est celui qui aime et qui n'est pas aimé en retour. C'est logiquement de lui que vient la scène. Donc, il y a une féminisation, en effet, de celui qui fait la scène. C'est la féminisation qui ne veut pas dire que cette personne soit une femme, au fond. Il faut distinguer ici la femme du féminin. C'est une des beautés du livre de laisser ouvert les répartitions de genre et de mettre plutôt en valeur des postures, des manières de dire, des origines du discours, des assurances, des faiblesses, des failles. Et on entendait, vous parliez tout à l'heure justement du décalage entre le Barthe qui écrit et du Barthe qui enseigne. Et dans l'archive qu'on a entendu, celui-ci disait, sur le ton de l'aveu presque, oui, il oui. écrit pour être aimé, mais qui sait bien que ça ne marche pas. Il y a quelque chose de très touchant. C'est très touchant et très étonnant, parce que de livre en livre, il a été de plus en plus aimé. Mais ce n'était pas de cet amour qu'il voulait. Il y a une question tout au long du livre qui est « Quel amour souhaite-t-il ? » Et est-ce que l'amoureux n'a pas déjà, dans le cas de Barthes, c'est tout à fait évident, il a déjà une certaine idée de l'amour, il l'a déjà réalisée et elle est déjà parfaite, puisque c'est la dyade avec la mère. On peut se dire aussi que tous ces jeux de séduction, ces scénarios de tomber amoureux, c'est une sorte de virtuosité du sentiment. Mais que l'amour et l'amour sans scène, puisque dans le journal de deuil, il y a cette chose sur la mère qu'elle n'a jamais fait une réflexion à son égard, et que il y a quelque chose de très émouvant dans ce livre, c'est qu'après sa mort, il va essayer de respecter la forme de ménage qu'elle tenait, et même de refaire les recettes de cuisine qu'elle faisait pour lui. Comme si elle était la forme sacrée et parfaite du ménage, et que tout le reste, et on le voit bien avec l'idée de la scène ménagère, était des ratages, et quelque chose même d'assez haïssable. Parce que en regard du couple, du ménage, qui du point de vue de la scène est vu comme une chose assez horrible, il y a une autre pratique et un autre éloge, surtout à partir du Roland Barthes par lui-même, qui est l'amitié, la constellation des amis, cette pluralité des désirs qui circulent sans s'arrêter ou en s'arrêtant comme ça, légèrement, en passant. Tout cet éloge magnifique et inhabituel et qui permet de dévier par rapport à la voie étroite, si je puis dire. Vous voulez dire qu'au fond, Barthes n'y croit pas au sentiment amoureux puisqu'il est absolument comblé par l'amour maternel ? Je pense qu'il y croit et que ça lui tombe dessus comme quelque chose d'assez, comme une sorte de désastre, de catastrophe dont il va se sortir. C'est une crise, c'est une crise amoureuse. Voilà. C'est beaucoup plus, à lire le livre, et beaucoup plus une crise dont il s'agit d'émerger par le non vouloir saisir, parce qu'il y a à l'horizon de ce livre l'Orient, l'Empire des signes, le bonheur d'être ailleurs. Une histoire qui s'ouvre et qu'on veut perfectionner, ou en tous les cas vers laquelle on fera tous les efforts possibles pour une sorte d'arborescence. Et ça, c'est le roman, en effet, le roman d'amour. Les fragments, en tout cas, sont le texte de quelqu'un qui, sinon de quelqu'un qui souffre, en tout cas de quelqu'un qui en connaît long sur la souffrance amoureuse. Et c'est même assez perturbant pour le lecteur de découvrir que le texte qu'il a sous les yeux met exactement les mots qu'il fallait pour décrire ce qu'il a vécu, que ce soit suite à une rupture ou justement pendant une scène. L'extrait qu'on a entendu à ce titre a quelque chose d'absolument incroyable sur la volonté d'avoir le dernier mot. Les mots sont d'une telle précision que c'est difficile de pas y voir une référence à quelque chose qu'on a vécu et sur laquelle on n'avait jamais mis de mots. Oui, ça c'est son génie d'écrivain. Ouais. Et les mots qu'il trouve sont des mots, plus on lit Barthes, je trouve, plus on s'aperçoit à quel point il est un grand écrivain. Les mots qu'il trouve sont presque toujours inhabituels. Il y a comme un petit sursaut de surprise à le lire, et je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. Mais cette souffrance d'aimer, comment dire, elle est distancée. Les figures du discours amoureux, Elles ont été travaillées, réfléchies à l'intérieur même du séminaire. Donc il y a un travail, un jeu pluriel qui est le contraire même du vis-à-vis tragique et sans issue avec la personne aimée. Donc il y a une ouverture et il y a ce qui implique aussi des ressources d'humour. Il y a un humour très fort, je trouve, chez Roland Barthes. Ah oui. Par exemple, l'idée que la scène, c'est comme on vomit et puis on se remet et on est parfaitement tranquille le lendemain. C'est extraordinaire. Ah, mais il y a beaucoup de moments quand on lit fragments où on rit, on éclate de rire. Par exemple, juste une phrase du fragment qui s'appelle, la figure qui s'appelle Obscène. Il écrit « Lorsque j'imagine gravement de me suicider pour un téléphone qui ne vient pas », ça c'est un motif qui est récurrent, le suicide à cause d'un coup de téléphone qui ne vient pas, « il se produit une obscénité aussi grande que lorsque, chez Sade, le pape sodomise un dindon ». Oui, c'est merveilleux. On tombe là-dessus au détour d'un paragraphe, on ne s'y attendait pas du tout, et ça arrive souvent ce phénomène-là. C'est merveilleux, c'est vrai. Mais quelque chose... Bon, il avait écrit « Sade, Fourier, Loyola », peu de temps après, presque en même temps. Donc, le non-dit de ce livre, qui est évidemment pas dans le livre de Goethe, c'est que ce qui double le malheur de l'amoureux, c'est aussi une pratique de drague jouissive, amusée et nostalgique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pratiques de l'amour, mais c'est l'éclairage est porté sur l'amoureux qui souffre. Mm-hmm. Mais l'amoureux qui souffre peut aussi être, et c'est pour ça que le non vouloir saisir est magnifique, parce que il est une déprise de cet attachement irrespirable. Tout d'un coup, l'air revient, on sort, on se promène et on peut rencontrer la nouvelle personne avec qui souffrir à nouveau, peut-être. Mais c'est un mélange étrange entre la drague qui est dans le mouvement ou le libertinage et aimer comme une fatalité douloureuse et crucifiante. Il y a les deux. Il y a une sorte de très légère... immoralité ou amoralité qui met de bonne humeur, qui moi me met de bonne humeur en tous les cas. Ça va? Fallait me dire que t'étais rentrée, je suis allée boire un verre avec des collègues. On t'a accompagnée? Ouais. Ouais, qui ça? Une collègue. Une collègue. Pourquoi elle t'a pas raccompagnée devant? Parce que je voulais pas leur dire que je sortais avec une fille. Ah bon? Tu dis que t'avais honte d'être avec une fille? Non, j'avais pas honte, c'est juste que je veux pas que toute l'école soit au courant. C'est qui ce mec? Qui? Le mec qui t'a raccompagnée ici. Ah, c'est rien, c'est un collègue. Tu me prends pour une conne? Non. Tu crois que je vous ai pas vu là? Mais je t'assure que c'est un collègue, je te jure. Ça fait combien de temps que tu le vois? Depuis que je bosse à la maternelle. Ah bon? Pourquoi tu mens? Je mens pas. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Arrête de me prendre pour une conne, Adèle, et dis-moi, ça fait combien de temps que tu couches avec lui? Hein? J'ai couché 2-3 fois avec lui, je t'ai plus. T'es amoureuse de lui? Bien sûr que non, je suis pas amoureuse de lui, je sais pas, je me sentais toute seule. Mais j'ai jamais voulu te faire de mal, T'es qu'une petite traînée. Espèce de petite pute. Tu te fais baiser, hein, c'est ça? C'est quoi, tu vas le sucer dans la voiture et puis après tu m'embrasses? Après t'oses m'embrasser? T'oses me toucher? T'oses me regarder? Tu fais des choses comme ça, toi? Et en plus tu mens, tu racontes des conneries? Tu me racontes des cracks? Désolée. T'es une petite traînée! Pardon. Pardon, je sais même pas comment te demander pardon. Y'a pas de pardon! Je veux plus te voir, je veux plus jamais voir ta tête! D'accord? Je veux plus jamais te voir! Tu prends tes affaires et tu te casses! Sors de ma vie! Peut-être pleurer est-il trop gros? Peut-être ne faut-il pas renvoyer tous les pleurs à une même signification? Peut-être y a-t-il dans le même amoureux plusieurs sujets qui s'engagent dans des modes voisins mais différents de pleurer? Quel est ce moi qui a les larmes aux yeux? Quel est cet autre qui, telle journée, fut au bord des larmes. Qui suis-je, moi, qui pleure toutes les larmes de mon corps, ou verse à mon réveil un torrent de larmes? Si j'ai tant de manières de pleurer, c'est peut-être que lorsque je pleure, je m'adresse toujours à quelqu'un, et que le destinataire de mes larmes n'est pas toujours le même. J'adapte mes modes de pleurer au type de chantage que, par mes larmes, j'entends exercer autour de moi. En pleurant, je veux impressionner quelqu'un, faire pression sur lui. Vois ce que tu fais de moi. Ce peut être, et c'est communément, l'autre que l'on contraint ainsi à assumer ouvertement sa commisération ou son insensibilité. Mais ce peut être aussi moi-même. Je me fais pleurer pour me prouver que ma douleur n'est pas une illusion. Les larmes sont des signes, non des expressions. Par mes larmes, je raconte une histoire, je produis un mythe de la douleur, et dès lors, je m'en accommode. Je puis vivre avec elle parce que, en pleurant, je me donne un interlocuteur emphatique qui recueille le plus vrai des messages, celui de mon corps, non celui de ma langue. Les paroles, que sont-elles? Une larme en dira plus. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Peut-être pleurer est-il trop gros, écrit Barthes. Donc dans ce fragment sur la scène, Chantal Thomas, et ça vient à la suite d'un extrait de La vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche, où on entend ces deux femmes se disputer, l'une a trompé l'autre, elle pleure, elle demande pardon, l'autre lui demande de sortir de sa vie. C'est très intense quand on regarde le film et on souffre avec l'une et avec l'autre. Et c'est absolument banal lorsqu'on lit le texte de Barthes, parce qu'on se rend bien compte que tout ce qui nous paraît très intense n'est au fond que l'éternelle variation de la même partition. Et surtout, ces larmes, ces textes sur les larmes et le fait de pleurer a quelque chose d'ironique, voire de cruel, tellement il met au jour un mécanisme qui nous... Qui perd presque de son intérêt dès lors qu'on le nomme, Chantal Thomas. C'est le problème des larmes. Oui, c'est l'idée de pleurer pour quelqu'un ou devant quelqu'un, et que pleurer est un signe. Pendant qu'il travaillait sur ce texte, il constamment revenait le livre de Deleuze, Proust et les signes, ce qui est encore une manière de réfléchir sur la spontanéité et de nier la spontanéité et de situer toutes les manifestations du corps dans un système d'échange et dans un système de signes. Et il est sûr que ainsi détaillé et prise comme classée par style, pleurer perd toute sa fraîcheur. Oui. Mais je reviens encore à ces notes magnifiques et déchirantes à la suite de la mort de sa mère. Il y a aussi pleurer seul, et il y a pleurer sans témoin, et pleurer quand la personne à qui on voudrait destiner ses larmes n'est plus là. Et je pense que le prolongement de Fragments d'un discours amoureux, c'est La chambre claire. Le livre de Barthes sur la photographie. Exactement, qui commence comme un livre sur la photographie et donc pris dans un grand système, la phénoménologie, et qui s'achève par la photo retrouvée de sa mère qui lui rend sa mère et qui, pour la première fois après le fragment d'un discours amoureux, s'écrit d'une seule foulée dans une continuité et illustre... cette phrase clé, qu'il n'y a pas d'universel de l'objet unique. Et je pense que Fragments d'un discours amoureux, et de livre en livre, en fait, l'articulation de Fragments d'un discours amoureux, qui est justement très aérée, alors qu'il s'agit de dire une suite de figures assez étouffantes et douloureuses, cette articulation est... est modifié, est formellement modifié quand on arrive à la chambre claire. Et il écrit, parce qu'il a dit plusieurs fois aussi que son désir d'écrire un roman était le désir de célébrer la personne qu'il aime, de célébrer la figure de la mère, de faire exister les êtres aimés, de leur faire traverser l'oubli. Je pense que les deux livres se répondent. Mmh. Et en tous les cas, La Chambre claire, dans son discours harmonieux d'amour, hors toute figure contrariante, hors tout obstacle, doit s'entendre aussi en même temps qu'on lit le fragment d'un discours amoureux. Mmh. D'autant que la dimension des pleurs, vous le dites dans La Chambre claire, enfin, il y a l'idée de pleurer seul et on sort du spectacle, mais déjà dans le fragment d'un discours amoureux, dans le texte qu'on a entendu, il ne faut pas entendre dans cette dissection du phénomène de pleurer une forme de... comment dire, de moquerie, parce que je sais, j'ai fait le test autour de moi, j'ai fait lire ce texte, et beaucoup de gens disent, mais non, moi, quand je pleure, c'est spontané, on peut pas m'accuser de faire du chantage à chaque fois que je pleure. Mais Barthes ne dit pas que la personne ne souffre pas. Il dit, je me fais pleurer pour me prouver que ma douleur n'est pas une illusion. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, justement, mais les larmes viennent redoubler, rendre manifeste la douleur que je sens vraiment en moi. Oui. C'est-à-dire, il y a aussi au fond de la scène, évidemment, si tout de suite c'est spécifié scène ménagère, c'est qu'il a à l'esprit la scène de théâtre. Oui. Et que le compte qu'il règle avec la scène de ménage, c'est aussi une manière de dire pour lui, indirectement, combien une grande partie du théâtre le dégoûte, lui donne la nausée. Ah oui? Et les textes les plus virulents de Barthes sont des textes précédents, dans les années 60, où il prend parti contre le théâtre bourgeois, et c'est sa grande période Brecht. Mais c'est aussi, si on veut remonter plus haut, sa passion pour le théâtre antique, et pour le monologue, ici d'ailleurs le texte de Nietzsche, pour le monologue de la tragédie antique. Et la figure de la scène, elle est, comme très souvent dans l'écriture de Barthes, elle vise plusieurs objectifs. Donc elle est à la fois réflexive, descriptive, mais elle est combative aussi, à sa façon. Mais pourquoi un tel dégoût du théâtre? C'est parce que c'est bourgeois? Non, parce que le théâtre, ce théâtre, le théâtre du dialogue, de la drôlerie... de la réplique parfaite, c'est exactement le fonctionnement de la scène ménagère. C'est le même fonctionnement. Et ça reprend, ça condense, ça exemplifie son antipathie pour la parole. Il est un homme du côté de l'écriture, du côté du silence, et d'ailleurs lui-même, dans la conversation, était extrêmement déceptif, au point Patrick Moriès l'a très bien écrit dans son petit livre sur Barthes. Beaucoup de gens, après une première conversation avec Barthes, une première rencontre, étaient franchement effondrés en se disant « mais je l'ai ennuyé à mort ». Parce qu'il il n'avait pas justement, alors qu'il le dit là pour la rencontre, j'adore la figure de la rencontre, ouais. Où il dit que dans la rencontre, dans le premier élan, dans l'instant du désir, on rebondit et on se dit très vite plein de choses personnelles, etc. Et là, il y a une légèreté. Mais lui, dans le quotidien de la parole, n'était pas du tout dans cette légèreté. Et, sauf quand ça prenait, justement, quand il se sentait vraiment à l'aise, et quand il y avait un jeu intellectuel, par exemple, il rencontre des conversations avec Philippe Solers, avec les amis, quand ça circulait, c'était léger. Mais très très souvent, surtout avec les inconnus, il s'absentait. Il le dit d'ailleurs dans le fragment Mutisme, justement. Il dit « De l'écoute distante naît une angoisse de décision. Dois-je poursuivre, discourir dans le désert ? Il y faudrait une assurance que précisément la sensibilité amoureuse ne permet pas. Dois-je m'arrêter, renoncer ? Ce serait avoir l'air de me vexer, de mettre en cause l'autre et de là donner le départ d'une scène. C'est une fois de plus le piège. » Et le piège est sans doute le mot qu'on lit le plus, ou en tout cas auquel on pense le plus en lisant les fragments. Oui, mais discourir dans le désert, oui, une des choses que j'ai vraiment aimées de lui et que je continue d'aimer, c'est que jamais il ne discourait dans le désert. Et rencontrer un professeur pour qui c'est la hantise, c'est rare. Puisque un des principes du professeur, c'est qu'il sait monologuer et qu'il peut parler devant une salle vide. Là, lui avait le talent de donner l'impression, et c'est ce qui fait l'écrivain aussi, qu'il s'adresse à chaque personne individuellement. Et quand il regrette ou a l'impression qu'il ne sait pas se faire aimer par l'écriture, je pense que c'est une phrase de tristesse et c'est dommage parce que je pense que c'est faux. Ah oui ? Oui, à moins de vouloir être aimé pour ce qui ne passe pas dans l'écriture. Mais peut-être c'était sa question. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, malheureusement, mais que j'oserais tout de même prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie. Ce nom, c'est sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen, tauchen, ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauen und beben, wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir einst gegeben. Et oui, on n'est pas sur scène comme sur une estrade, justement. Ici, les deux s'opposent. Chantal Thomas, on parle de la scène du théâtre, de la scène de ménage. Quand Barthes était sur son estrade de professeur, ici, c'est sa leçon inaugurale au Collège de France du 7 janvier 1977, eh bien, paradoxalement, il n'était pas en représentation. Mais pour lui, passer de l'espace jardin suspendu du séminaire au Collège de France a été difficile. Parce qu'il avait épuisé tous les possibles dans cet espace affectif, vibrant et quelque peu survolté, irréflexif en même temps. Et en arrivant au Collège de France, il retrouvait un lieu plus confortable, a-t-il dit, mais peut-être où l'écoute était, et même c'est sûr, moins aiguë, moins acérée, moins tendue vers et moins traversée de désir. Et le Collège de France, la leçon qui est si belle, et veut donner le signal d'une vie nouvelle. Et cette promesse d'une vie nouvelle, et ça c'est quelque chose qui est si beau chez Barthes, elle est toujours indissociablement intellectuelle et dans la recherche d'un comblement affectif et d'une sorte de goût de la vie, de saveur, comme il dit. Mais ce que je trouve très fort chez Roland Barthes, c'est de ne jamais mettre de côté l'intelligence et de vouloir au contraire la risquer vers ce qui est le plus antithétique, les larmes, le point où on s'étouffe de douleur. Et quand j'étais à New York, j'ai entendu sa conférence qu'il a faite ici au Collège de France aussi sur Proust, qui intitulé « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », où il se demande comment Proust est passé du contre-Sainte-Beuve au roman. Et c'est la grande question, et c'était la grande question qu'il allait continuer de scruter au Collège de France. Mais lui, il n'a cessé de s'approcher de la résolution de cette question. Et les fragments d'un discours amoureux ou la chambre claire donnent une réponse. Il y a une science impossible de l'être unique, mais en même temps, il la garde, il garde cet horizon scientifique et il réussit à faire surgir l'unicité de l'être aimé. Avec cette formule que vous avez entendue et qui est vraiment extraordinaire, qui semble délivrer le secret d'un enseignement, c'est-à-dire aussi de la transmission de contenu et de désir réussi, c'est ce qu'il nomme la sapientia, et la définition qu'il donnait était celle-ci, nul pouvoir, déjà, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de pouvoir, nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible. Tout y est dans cette phrase. Oui, tout y est, oui. Et cette saveur à ne pas sacrifier les petits plaisirs, l'écoute du quotidien, la saveur des mots. On va Donc il est vraiment passé d'un discours où le jeu est entre parenthèses, n'existe pas, les grands discours théoriques, comme il le dit non sans humour, les grands systèmes de pensée, la religion chrétienne, le marxisme, la psychanalyse, c'est très discutable d'ailleurs ça, mais ne prennent pas en compte le discours de l'amoureux. Il va s'éloigner de ces grands discours sans les liquider. Et ça, c'est très fort de la part de Barthes, parce qu'il aurait pu tout simplement oublier, tourner le dos à ce mode d'écriture ou de travail ou de recherche et écrire un roman classique. Et dans Fragment d'un discours amoureux, il y a le roman avec un grand R passé. Donc c'est aussi un moment où la doxa est que le roman classique, Werther, est fini et qu'il faut inventer d'autres peut-être pas d'autres phrases, mais d'autres modes, par exemple Guyotat. Des romans de jouissance, qui est ce que Barthes a commenté, mais par rapport auquel il s'est toujours tenu à distance. Et une de ses forces, je trouve, c'est de toujours d'avancer sans oublier son travail précédent. Et il avance très vite et à chaque fois, il innove. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, lire Barthes a quelque chose d'extrêmement stimulant ? Comme s'il y avait quelque chose dans son travail qui non seulement n'avait pas vieilli, non seulement était encore pertinent, mais fonctionnait de manière aussi vivante que si ça avait été écrit la veille. Oui, mais d'abord il avait son premier texte, sa thèse, peut-être pas publiée, mais son travail c'est le système de la mode, qui est vraiment un pensum quasi insurmontable. Et de livre en livre, d'abord, il est devenu lui-même un arbitre de la mode intellectuelle, et aussi tout ce chatoiement du tissu, du velouté, de l'instant, de la fête, de l'insaisissable, il l'a saisi dans son écriture. C'est-à-dire qu'il, sans jamais mettre sa thèse à la poubelle, il a gardé tous les éléments et il en a extrait la saveur, la singularité et la force d'un sujet romanesque. C'était un très très grand décrypteur des modes et même à l'avance, puisqu'on peut dire que le fragment d'un discours amoureux maintenant est beaucoup plus à la mode qu'il l'était alors. Et que, en le lisant, moi ça me fait assez sourire, je dois dire, parce que la perversion, Sade, Klossowski, les audaces sexuelles, croire au sexe et non au sentiment, c'était évidemment ce que la plupart des étudiants dans le séminaire adoraient, plus ou moins. Enfin, peut-être je projette. Mais c'était ça qui était l'air du temps. Lui, profitant de l'air du temps aussi, parce que ça lui permet d'expérimenter, il va extraire de là un discours qui dit exactement l'inverse. Maintenant, avec la succession des modes, de même qu'il prévoyait qu'en telle année, les jupes qui ont été longues allaient se raccourcir, avec les renversements, c'est bien entendu, on le sait, comme dirait Barthes, le discours de morale, le discours du sentiment, qui triomphe, qui domine. Voilà. Comme quoi, peut-être réfléchir sur la mode est la meilleure façon de ne jamais être démodé. Voilà. Et aussi, là, absolument. Et je crois aussi d'avoir une distance, qui relativise et de se souvenir, de même que un des grands enseignements de Barthes, c'est que tout est historique, que notre corps est historique, notre manière de pleurer. Par exemple, pendant au XVIIIe siècle, les gens pleuraient énormément en groupe et en foule. Et les hommes, les larmes étaient extrêmement expressives et permettaient de s'étreindre. Ensuite, il y a eu une répression, après elles reviennent. Je pense que ce que nous enseigne l'historicité de nos corps, de nos manières d'être, c'est aussi de ne pas y adhérer aveuglément et d'une manière répressive. Ça sonne, Chantal Thomas, ça sonne aussi la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé de Barthes ce matin. C'était vraiment... que le monde est avec nous. Eh ben, exactement. Et le monde ne s'arrête pas, quoi. Quand on croit l'amoureux est conduit ou l'amoureux qui souffre. Je renvoie à votre livre, votre dernier livre, Café Vivre, Chronique en passant, qui est publié aux éditions du Seuil. Barthes aussi aimait beaucoup passer du temps au café. On se quitte avec les amoureux qui peut-être vont se séparer. Alors, saluons-les, c'est mieux sec. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à se dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Un demain qui vient toujours un peu trop vite. Nos adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. Pas facile de se dire adieu. Et l'on sait bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi critique-t-on la société ? Dans toute société humaine, il y a une dimension de critique de la société. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous critiquons telle ou telle règle sociale, nous critiquons telle ou telle injustice sociale, et même la société nous apparaît d'abord à travers ces injustices, un peu comme la vie nous apparaît d'abord à travers la maladie. Nous ne nous souvenons de notre corps que quand il nous pose un problème. La santé, dit-on, c'est le silence des organes. Eh bien, peut-être que la justice, c'est le silence du social. Et dès qu'il y a une injustice, nous nous en prenons à elle, et nous avons bien raison, c'est ce qui fait vivre une société. Mais parfois, on va beaucoup plus loin et certains s'en prennent à la société en général. Certains critiquent la société, certains veulent s'en libérer. Écoutons par exemple l'une des voix au XXe siècle, en fin du XXe siècle, représentative d'un certain genre de critique globale de la société. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi, société. Société. Tu m'auras pas. Société, société, tu m'auras pas. C'est Renaud dans les années 70, sauf erreur, le jeune Renaud qui ensuite a chanté d'autres chansons plus humanitaires, plus tournées vers le social, d'autres qui posaient d'autres questions sociale, qui a toujours d'ailleurs une dimension sociale, y compris dans ses chansons, et l'art, évidemment, fait partie des critiques de la société. Mais comment peut-on s'en prendre à la société en général, s'adresser à la société, société, société, tu m'auras pas? Est-ce que c'est le signe d'un type de doctrine bien particulier qui va plus loin encore que le libéralisme ou l'individualisme et qu'on appelle en philosophie comme en politique l'anarchisme? L'anarchisme, c'est une doctrine qui refuse tout principe, toute règle et finalement toute règle sociale, la société étant forcément définie par des règles. Et effectivement, dans ce société, société, tu m'auras pas, il y a non pas la critique de telle ou telle règle sociale, mais la révolte contre la règle sociale en général, comme si l'individu pouvait s'en émanciper complètement. Il est vrai qu'il n'y a pas de société sans liberté, que la société, l'obligation sociale elle-même, suppose la liberté, suppose la résistance et la critique. Pourtant, bien entendu, et sans faire preuve ici d'un œcuménisme facile pour mettre tout le monde d'accord, il est clair que critiquer la société en général ne mène à rien, qu'il faut critiquer les injustices sociales, qu'il faut se servir de la critique, mais qu'il y a un risque dans la critique de la société en général. D'une façon générale, nous dépendons tous de cette société à laquelle nous voulons parfois légitimement nous arracher, cette société qui nous pèse par ses règles les plus générales comme par les plus infimes, ses règles, ses convenances, ses cérémonies, comme disait le philosophe Alain, qui s'imposent à nous et que nous respectons avec, en nous contraignant. Mais si nous ne les respections plus, ne serait-ce que la politesse de tous les jours, ce serait la guerre civile aussi de tous les jours. Il faut une critique sociale. Il faut critiquer ces règles quand elles prolongent des injustices. Par exemple, quand la galanterie, qui est une règle sociale ancienne, qui sans doute doit garder quelque chose de fondamental, c'est le respect pour les individus, eh bien, devient quelque chose qui est critiqué au nom de la domination des hommes sur les femmes. Faire le partage dans une règle sociale entre ce qui relève du respect et ce qui relève de la domination. Faire le partage entre ce qui relève de la coexistence et ce qui prolonge ou aggrave les conflits. Faire une critique sociale qui soit fondée sur des principes de justice, mais peut-être pas s'en prendre à la société en général, même si quand même, dire à la société qu'elle ne nous aura pas, ça relève aussi de la santé individuelle. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand, un immense merci à l'issue de cette semaine autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda, qui a accompli un travail phénoménal de réalisation pour cette semaine à la prise de son, le non moins phénoménal Jean Frédérics, à la lecture des textes Denis Podalides. Demain, ce sera l'occasion de redécouvrir le cours particulier en compagnie de l'historien de l'art Yann Blanc, initialement diffusé le 2 avril 2021. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission à votre guise, notamment à travers l'application Radio France qui vous permettra de l'écouter en téléchargement et aussi en direct. À demain 10h, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.